pierre qui à grands sauts veut nettoyer la terre. Plein de courage qui à grands sauts veut éteindre les flammes qui léchaient l'écorce et réduisaient nos amours en cendres. Qui à grands sauts veut éteindre la lune pour de l'intimité, une fortune, enfin. Qui à grands sauts veut chevaucher les nuages, descendre un arc-en-ciel sauvage, embrasser les étoiles avec la langue. Tout ce qu'on déplace à grands sauts, comme on déplace. Qui a grand saut à écoper dans la soute en évitant en vain les profondeurs abyssales. Qui a grand saut couvrait ses amants de caresses, laissant des corps en liesse avant la guérissable rupture. Qui a grand saut échappé à l'ordre en colère, qui a grand saut tenté d'atteindre les carreaux des douches des filles, qui a grand saut d'un langage teinté de sanglots répété sans cesse de profiter de l'été. Qui a grand saut contient tout l'orgueil dragué en moi. Qui a grand saut pourrait nonchalamment m'avouer que sa vie est misérable sans la richesse de la mienne.